Bon. Raconte ta bébelle. C'est ça, je vais faire mon compteur de moi. J'arrive ce matin, puis là, il y a un boulevard qui est très achalandé ici à côté de la station. Et qu'est-ce que je ne vois pas à côté de mon véhicule? Parce que tu sais, ça avance pas le matin, là. On est installé, là. Mais je vois un gars en vélo. Jusque-là, c'est pas si tant pire, un gars en vélo. C'est sûr que là, c'est l'hiver, les trottoirs ne sont plus ou moins déneigés. Faut vouloir. Il faut raconter qu'il y a eu beaucoup de neige. Ouais, c'est ça ici. C'est peut-être pas partout comme ça au Québec, mais dans l'environnement de la station, d'où on est actuellement, d'où on parle, il y a quand même passablement de neige, de verglas. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins bien déneigé. Ouais. OK, disons-le. En plus. C'est ça. Fait que là, déjà là, je me dis, bon, gars, il veut, mais il a le droit. Il a son casque en plus. Je me dis, bon, tu protèges. T'es un gars responsable. Mais là, c'est là que ça s'en vient. Il y a, par exemple, il y a son enfant, parce que moi, je crois que c'est son enfant. Là. Je peux pas croire que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, là, qui est sur la barre du vélo juste en face de lui. La barre, pas... tu veux dire, la barre à l'arrière de lui. Le guidon. Là. La fourche. Carrément. Non, pas le guidon. La barre. Il est pas assis en arrière, il y a pas un siège pour lui. Il y a pas un siège à côté. Il est sur la barre du vélo. Très confortable pour son enfant en partant, même l'été, là, c'est super bon. Mais c'est ça, mais là, en plus, le vélo, vu que, tu sais, il doit rester pris quelques fois, ça doit être vraiment agréable pour le kid. Ah oui, avec les bosses pis tout. Et le kid n'a pas de casque. Bon. Hein? Alors, on a vraiment quelqu'un qui a il y a du jugement, là. Lui, jugement on the way. Donc, bravo. On aime ça, faire du vélo. Puis on se pense bien fin au Québec. On va sauver la planète. On va faire du vélo. On se met un casque, par exemple. À l'enfant, on n'a pas de casque. On va l'amener pareil. On va l'assir sur la barre, même s'il fait moins 10. Puis il pogne Reza Morwood, on verra. Pas de casque! Mais lui, lui a mis son casque. Moi, je trouve ça quand même spécial. C'est que lui, il a dit, ben coudonc, j'en ai pas pour lui, mais moi, je vais mettre le mien, par exemple. Pour me protéger. Moi, je sais pas, par solidarité, mais il me semble que je l'aurais pas mis. Ben, j'aurais pas fait ça par temps, là, mais il me semble que je l'aurais pas mis. En plus de mettre son casque, tu sais, c'est... Fait que déjà que le vélo l'hiver, en ce qui me concerne, peut-être que vous êtes pas d'accord. Et vous avez le droit de pas être d'accord. Mais pour le vélo l'hiver, le lendemain de tempête, c'est de la connerie. OK? C'est-tu clair? Je l'ai déjà dit. On a déjà fait un petit segment ici, mais là, ça fait saigner des oreilles certains bien-pensants du plateau Mont-Royal. Hein, que ça a été dit, oh mon Dieu Seigneur! Il veut foncer ses cyclistes! Alors que dans le fond, c'était pas ça le point. Le point, c'était d'envoyer un message aux cyclistes le lendemain de tempête, comme on vit actuellement, de débarrasser le plancher. Donc, évidemment, je rejouais pas cet extrait-là. Mais en même temps, le message reste le même. Restez donc en maison. Vous voulez pas polluer la planète? Parfait. Marchez. Mettez-vous des bottines des pieds, marchez. Prenez l'autobus, transport en commun, vous aimez ça. Pas de voiturage, vous êtes des verts, parfait. Mais le vélo, en plus, avec des enfants, et c'était ça mon point d'origine, avec des enfants, en plus, pas casqués, c'est de la stupidité. En fait, je pense que c'est pire. Parce que quand on avait, quand il y a eu le grand scandale de Honka Cyclist, l'enfant, il était d'une espèce de siège trailer, là. Ouais, non, ça, mais un même, trailer à côté? C'est même pas un siège. C'est une remorque. C'est un trailer, là, tu sais, avec une fermée, là, comme une en toile, là. Exact. Là, lui, un matin, il était avec son enfant sur la barre du WC, dans la slush, sur le verglas, sur la glace. Podcast. Puis là, c'est ça, puis... Sur le boulevard. J'ai quand même remarqué que j'étais pas le seul. C'est normal à faire le saut. Je voyais, il y en avait d'autres à côté de moi, puis on le regardait tous. Là, j'espère que le message va se rendre, parce que là, moi, je l'ai pas klaxonné ou je l'ai pas... Non. J'ai pas crié après, parce que je me suis dit, si je crie après... Il va justifier le camp à terre. C'est ça, puis là, c'est le kid qui va écoper. C'est ça. Et puis tu sais, à la limite, je sais pas, mais ça me... Tu sais, il y a un raisonnement, mais ça, tu sais, il y a comme un escalier de raisonnement, là. Tu dis, wow, là, je décide. Prendre mon basic. Ouais, OK. Déjà, t'as comme une marge de fête, là. Là, j'y mets pas de cash, j'ai pas de bain, j'ai pas de trailer. Ouais, là, tu sais, comme c'est la deuxième marche. Là, je vais prendre le boulevard Laurier. Tu sais, je vais prendre le boulevard le plus achalandé de Québec. Tu sais, il y a d'autres rues, là. Mm-hmm. Lui, il décide de prendre le boulevard où il y a le plus de trafic. Prends quelle rue achalandée, Jean-Claude, de toute façon, au Québec, avec de la neige, là. C'est pas brillant. Non, mais à la limite, mettons, là, le gars, il y a un traîneau et des skis. Tu sais, le gars, il s'est équipé pour ça, là. Puis il y a des tires avec des clous. Puis il prend une petite rue où il n'y a pas un chat. C'est moins pire. Tu sais, je me dirais, bon, c'est moins le gars, il a réfléchi, là, tu sais. Puis il n'est pas dans le trouble, il n'est pas dans le milieu du trafic, d'un bouchon, il n'est pas dans. Là, lui, c'est le summum, là, tu sais. Puis lui, il a mis son casque, mais pas l'enfant, en plus. Manque de jugement, only in Québec. Hey, merci Laurent d'être passé.